On va parler de basketball avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal, ça fait longtemps qu'on n'a pas Cette parlé. année. Pascal, on n'a pas été capable d'y parler pour la date limite des transactions. Il y avait eu un petit pépin, on n'a pas été capable de se rejoindre. Donc, salut, on va parler un peu des Raptors. Pascal, nouvelle qui vient de tomber, ben, je pense que c'est tombé aujourd'hui. Karen Burch qui s'en va avec les Raptors. Ben, je pense que Orlando a décidé qu'il, je pense pas qu'il va lui offrir un contrat. Ouais. Fait que en réalité, ils peuvent carrément le libérer maintenant. Puis probablement que Toronto serait intéressé à le signer. Puis ça serait un Canadien dans une équipe de, deux Montréalais à Toronto. Puis ça commence à avoir l'air d'une équipe du Canada, là, ça. Mais Ouais, c'est Burch. un gars qui peut aider quand même les Raptors, selon moi. C'était quoi un réserviste? C'est toujours important d'avoir un bon banc dans l'NBA, Exact. c'est ça l'important, donc peut-être? Oui, non, absolument. C'est pas un joueur qui va arriver qui va jouer 35 minutes, là. Non. Mais c'est un gars au niveau du rebond, au niveau de la défense. C'est surtout le côté défensif. Tu sais, on en a parlé beaucoup, toi et moi. Gasol puis Ibaka qui sont plus là. Fait qu'on a Ouais. besoin de size, de force, de besoin de. C'est un gars qui a quand même à 6 pieds 9, qui est très mobile. Tu sais, c'est un 4-5, je dirais, là. Mais tu sais, le 5 moderne, c'est des joueurs de 6-9, 6-10, là. C'est pas Draymond Green, mais c'est un joueur capable de faire beaucoup de choses, puis c'est sûr qu'il pourrait aider Toronto. Ok, donc c'est-tu officiel? Parce que je dis que la main, j'ai pu voir si c'était officiel. C'est moi que j'ai Ben, mal vu. c'est pas encore officiel, c'est plus, je dirais, dans les pourparlers, Ok. mais ça va se faire dans les jours qui s'en viennent. Ok, donc c'est une belle acquisition. Donc je suis sur un site qui est des Raptors. On dit que site Raptors, c'est fait par Sports Illustrated. On dit que ce serait sur le point de se faire. Donc, Exact. effectivement, donc c'est une belle chose. On va parler de. T'as-tu été surpris de voir que Kyle Lowry n'a pas été changé? Un petit peu, mais c'était beaucoup d'argent, tu comprends? Puis je pense que Toronto a peut-être encore un petit peu espoir de faire les séries, puis pourquoi pas garder Kyle Lowry. Mais souvent, quand un échange ne fonctionne pas, c'est peut-être de l'autre côté aussi. Je pense pas que Toronto. Dis donc, tu sais, on a envoyé Powell à Portland, si je me trompe pas. Il y a eu des gros pourparlers pour Pascal Siakam, tu sais. Adonobi, c'est un autre joueur que les gens veulent avoir, mais je pense pas que les. Moi, je m'attendais à ce que peut-être les Lakers fassent C'était une ça les. transaction. Ouais, les Lakers ou Philadelphie, mais je pense que les deux équipes sont satisfaits avec le personnel qu'ils ont en ce moment. Tu vois? Puis probablement que les Lakers ont pas pris Kyle Lowry parce qu'ils veulent vraiment donner une extension à leur joueur, à leur meneur qui ont amené de OKC. Donc, en ce moment, je pense que c'est une bonne décision de ne pas avoir été chercher Kyle Lowry. T'sais, on a vu des échanges comme Lou Williams qui était les Clippers pour Atlanta, mais c'est quand même un joueur de un numéro 2, point numéro 1. Fait que je pense que Kyle Lowry. Pour l'instant, je pense qu'il est content de rester à Toronto, mais Danny lui-même pensait quitter parce que si je ne me trompe pas, il a mis sa maison à vendre. Ouais. Tu sais que les Raptors vivent à Tampa en ce moment, là, ils ne sont même pas à Toronto, mais Kyle Lowry a déjà mis sa maison à vendre. Mais je ne pense pas qu'il va être de retour l'année prochaine en tout cas. Ok. Donc, on va. Voilà, je pense pas. Là, où on est rendu, les Raptors sont là derrière. C'est pour ça que moi, je suis Exact. un peu déçu de voir qu'on ne l'a pas échangé pour avoir de quoi. Là. Mais quand même, juste Exact. un choix de première ronde. Quand même, juste un choix de première ronde, ça a été. Ben, c'est ça, avec Powell, je pense qu'on était chercher deux choix de deuxième ronde. Moi. Puis comme je te Gary dis, Trent. les Lakers, ouais, Gary Trent, les Puis. Lakers sont contents de Dennis Schroeder. Moi. Fait que Kyle Lowry, puis moi, je m'attendais à le voir peut-être à Philadelphie ou même Il à vient de Miami. Philadelphie, T'sais, donc ouais. exactement. Puis Miami, il aurait peut-être été intéressé, mais regarde, t'sais, mais c'est quand même 30 millions cette année, puis l'année prochaine, c'est beaucoup d'argent, ça. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Puis alors, je l'ai rendu aussi, donc c'est Exact. Gary Trent. Bon, Moi. correct, je sais pas. Ok. C'est pas une vedette, là. Ça fera pas une différence, selon moi. Non, ok. C'est un joueur NBA solide. C'est un vétéran positif dans le vestiaire, bonne réputation, bon tir extérieur, un tough joueur défensif. Fait que c'est pas mauvais du tout, du tout, là. C'est une bonne acquisition. Ok. Donc, écoute, les Raptors font définitivement pas les séries éliminatoires. As-tu regardé un petit peu les prospects qui pourraient être intéressants pour les Raptors pour le prochain repêchage? Parce que Philippe Ortiz m'a dit, moi, que c'est pas un repêchage. Pas un grand repêchage. Pourtant, c'est pas ça que j'avais lu, pourtant. Ben, il y a quand même des joueurs intéressants, mais il y a pas encore de gros, tu sais, de grosses vedettes, là. Il n'y a pas Ouais. de LeBron James, il y a pas, tu sais, Non, c'est non. souvent, tu sais, il n'y a pas de LaMelo, on était excités de LaMelo, Jonathan Edwards, tu veux dire, Wiseman, tu sais, on était, tu sais, on dirait pas qu'il y en a, tu sais, le meilleur joueur, il a joué NCAA, il vient de Montverde, Cape Cunningham, tu sais, c'est un bon joueur solide. Est-ce que c'est une star dans la NBA un jour? Fait que ça, on parle du joueur numéro un. Est-ce que le joueur de Gonzaga, Shrug, Sox, est-ce que ça va être une vedette? Il a quand même connu une très, très, très bonne saison, là. Faut pas y enlever ça. Puis on parle de lui comme numéro 3. Fait qu'en ce moment, il n'y a pas. C'est pas un repêchage spectaculaire, selon moi. On va OK. peut-être voir plus. On attend de voir qui va déclarer pour le repêchage, tout ça. On va en parler Mais tout il à n'y a l'heure. Je vais te pas. parler de Quincy Guerrier. OK. On devrait y parler Parfait. tantôt. Je voulais savoir ce que Quincy, ce que tu en penses de ça. Donc, on va continuer dans l'NBA par conséquent. Les Lakers, beaucoup de blessés, hein? Ben, en ce moment, ils sont quand même, je pense, ils se promènent entre la quatrième et cinquième Ouais. place. Il faut qu'ils continuent à gagner certains matchs. Ils ont battu les Lakers. Je pense que le Lakers. match de ce soir, il y a eu une situation où Montreal Harrell était expulsé du match. Est-ce qu'il va être disponible pour jouer ce soir? Fait que je pense que Drummond revient ce soir, donc ça va aider. Fait que là, Drummond était sur la liste des blessés. On a été chercher Drummond, puis on l'a mis sur la liste des blessés presque tout de suite. LeBron, quand est-ce qu'il va revenir? On n'a même pas de date ou de possibilité de LeBron. Puis la même chose pour Anthony Davis. Mais pour les Lakers, ils veulent rester. Tu ne veux pas descendre à 7-8e. Fait que tu ne peux pas te permettre de perdre les 5-6 prochains matchs. Mais d'un autre côté, ça va développer beaucoup de confiance à Schroeder, beaucoup de confiance à Kyle Kuzma. Il a connu quand même de certains bons matchs, tu sais. Mais je m'inquiète pas pour les Lakers, mais c'est sûr qu'on a hâte de revoir Anthony Davis puis LeBron sur le terrain. OK, on va y aller maintenant avec ce qui s'est passé dans le final de March Madness. Je n'ai parlé beaucoup avec Philippe Hurtubise, mais je veux quand même avoir tes commentaires. D'abord, tu l'as suivi, tu es sûr que tu es moins NCAA, donc, mais j'imagine que Ben, tu as suivi. j'ai regardé vite, vite UCLA contre. On dit que c'est un des meilleurs. J'écoutais Denis Ah, Cazavant dans un de ses c'était podcasts. tout Il un match. dit que c'est le meilleur match de l'histoire du March Madness. Est-ce que t'es Non, comme. non, Ben, on non. dit C'est un Kentucky. excellent match, mais il y a trop. Surtout quand tu parles du March Madness, là, il y en a plusieurs, dépendamment de tes affiliations Ouais. avec quelle équipe t'aimes. Mais oui, c'est un match excitant, c'est un match exceptionnel. UCLA devait jouer un match parfait, ce qu'ils ont fait. T'sais, moi, personnellement, je vais te dire le meilleur match dans l'histoire de la NCAA, Danny, là, c'est lorsque Villanova a battu Georgetown. OK. Okay, quand Georgetown avait Patrick Ewing, puis c'était John Thompson l'entraîneur, puis je pense qu'il n'y avait aucune défaite aussi, là, t'sais, veux dire. Fait que là, t'as une équipe pas de défaite qui se retrouve. On peut parler de UNLV qui ont Ben. battu Duke, puis l'année d'après, ils ont perdu contre Duke. C'est des matchs spectaculaires. Le match que Christian Laettner Ouais, s'est c'est lui retourné, que qui a rentré Cazavant un tir a mis en tête. en tête Après. avec le match de Gonzaga contre UCLA. T'sais, exactement. Fait que, mais moi, mon numéro un, c'est Villanova Georgetown, la saison. OK. Moi, tu sais quoi, le match probablement iconique, c'est la victoire de NC State sur un. Le gars, il a lancé un airball, comme on dit. Il a quand même manqué le panier, mais il y a un joueur de son équipe qui a sauté, qui a pu voir qu'il l'a dunké. Puis ils ont gagné le match comme ça. Ils ont battu Houston, Hakeem Olajuwon. Puis cette équipe-là, c'est probablement une des pires fiches en finale NCAA. Là, on parle de finale, on parle du match. T'sais. Fait qu'à quelque part, je suis d'accord, c'est peut-être top 10, là, Ouais. mais c'est pas le meilleur. Ouais, mais c'est un match excitant. C'est un des bons matchs dans les dernières années qu'on a pu voir. OK. Parce que moi, tu me parles pas des matchs de Jordan puis des matchs Johnson Bird à l'époque de. Parce que Ben, Johnson Bird, les gens pensent que ça a commencé qu'il y a les Celtics contre les Lakers, mais c'était avant ça, Ouais, c'était même dans la NCAA, je pense. si je me trompe pas, Danny, puis tu pourras aller regarder les statistiques, c'est encore aujourd'hui, Ouais. c'est soit le match qui a eu la plus grosse foule ou le plus écouté dans l'histoire de la NCAA. OK. Larry Bird, Indiana State, Magic Ça, c'est Johnson, en ça, on Michigan parle de ça les 19 à peu près. State. Ouais, exactement. Ouais, OK. C'est, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le match le plus regardé. OK. Gonzaga, est-ce qu'ils ont tout donné contre UCLA? Est-ce qu'ils ont manqué d'essence sous la loi de la moyenne? Moi, je l'ai toujours parlé. J'étais même pas sûr qu'ils étaient escalescents au March Madness, puisque je m'étais dit, à un moment donné, ils vont perdre. Ce club-là, il ne dit pas d'en perdre une. Est-ce que finalement, le fait que ça a tout pris pour battre UCLA, c'était en prolongation, est-ce que tu penses qu'ils ont laissé, ils ont tout laissé dans ce match-là? C'est sûr que ça a été un match, au niveau d'énergie, au niveau mental, et de gagner sur une shot de fou là, après la première prolongation, ça t'en prend beaucoup. Et je pense que la finale, en partant une finale, c'est mentalement épuisant, puis tu n'as même pas encore joué au basket. Tu es épuisé dans l'échauffement. Okay? Ouais. Et le côté d'avoir aucune défaite, ça tu l'avais mentionné il y a quelques semaines, là, c'est une pression supplémentaire. Mm. Et moi, là, écoute, j'ai commencé le match, là, puis quand c'était 11-1, j'ai dit c'est fini, ça n'a aucun sens. Mm. Baylor, c'était comme des chiens enragés, excuse-moi l'expression, là. Et ça, c'est mon style de basket, là. Agressif, défensivement, on t'attaque, on te lâche pas, là. 11-1, je pense que c'était 29-10, Danny. Mm. Écoute, ils ont créé un obstacle là, tellement énorme que Gonzaga était plus capable. Fait que si justement il y avait de la fatigue puis un côté mental, on dirait que Baylor a carrément pris le peu d'énergie que Gonzaga avait pour jouer la finale. Baylor l'a volé complètement puis ils ont gagné le championnat. Ouais. C'est bravo. Dis-moi, Quincy Guerry, on va en parler. Donc, il s'est rendu éligible au repêchage de la NBA. D'abord, penses-tu qu'il va... Je pense pas qu'il va signer avec un agent. Donc, lui, ce qu'il veut, il reste encore 2 ans sur la bourse à Syracuse. Ouais. C'est un sophomore, donc c'est une deuxième année. Je pense qu'il va juste, avec Jim Behan, qui a tous des contacts inimaginables dans la NBA, voir où il pourrait se situer et prendre une décision avant la date limite, là, qui est peut-être, mettons, à la fin mai ou début juin, là. Mais lui, où est-ce qu'il peut retourner. À pardon. Oui, il peut retourner à Syracuse. Ouais. Tant aussi longtemps qu'il ne signe pas avec un agent, en anglais, c'est l'expression on test the water. Tu sais. Mm. On fait un test d'eau, en voulant dire, on veut voir c'est, est-ce qu'on m'aime, tu sais, est-ce qu'il y a des équipes intéressantes à moi. Tu comprends ce que je veux dire, Danny? Ouais. Fait qu'il va peut-être faire certains workouts, il va aller se faire évaluer. Avec la pandémie, probablement, ça va se faire sur Zoom, sur vidéo. Fait que là, il y a des gens qui vont y donner des rapports. Puis, comme je te dis, Jim Behan, il n'a pas besoin d'agent, Quincy, parce que son entraîneur connaît tout le monde. Mm. Il connaît les 30 directeurs généraux de la NBA. Il a probablement les numéros de téléphone de tout le monde. Tu comprends-tu? Mm. Fait que c'est sûr que Jim Behan va pouvoir dire à Quincy, regarde, si tu restes dans le repêchage cette année, tu ne seras pas repêché. Ou, tu vas être repêché deuxième ronde ou peut-être première ronde, tu comprends? Ouais. En ce moment, je pense pas qu'il est sur le board, donc il n'est pas dans les 60 prospects repêchés, mais ça serait intéressant de voir dans les prochaines semaines s'il fait certains workouts, comme on dit en anglais, certains entraînements privés pour les équipes, peut-être que les équipes vont dire « Oh, OK, on est intéressé à lui ». Je devrais y parler, j'ai des bonnes relations avec l'attaché de presse du gars de Syracuse. J'ai demandé une entrevue, je ne sais pas si je vais l'avoir, mais en tout cas, c'est plus facile avec Syracuse qu'avec Arizona. Je peux te dire que j'ai essayé d'avoir Bénédicte. Ça n'a pas toujours des attachés de presse en passant. Pascal, en terminant, je vais faire une entrevue avec Annie Larouche, qui est en charge du projet de Montréal. Il y aura une équipe de la NBA d'ailleurs en 2022, c'est confirmé, à Montréal. Donc, j'ai hâte de voir, parce que... Une équipe de la Ligue. Oui, de la ACBL, donc c'est confirmé, là. Ça n'a jamais été parlé nulle part, mais je l'ai écouté à plusieurs autres antennes, et ce que je peux voir, ça n'a rien de comparable avec les Dragons, puis les Matrix, puis le sérieux de cette Ligue-là. On parle même que ça pourrait monter à 16 équipes. Ben regarde, je suis d'accord avec toi, moi étant un des participants de toutes ces équipes-là dans le passé, la fragilité des Ligues, le manque de sel des propriétaires. Premièrement, cette ligue-là, elle est gérée par une personne qui a les reins solides, qui est prête à mettre des sous partout. Donc, il y a une égalité, il y a une solidité de toutes les équipes. Contrat de télévision, je ne sais pas si le contrat est contrat de télévision, ouais, c'est ça. Fait que moi, comme je t'ai dit, je vais prendre la chance d'aller voir à Ottawa les matchs. Je vais parler avec Charles, je vais aller faire un tour. Charles Dubivray, qui est l'entraîneur-chef. Puis il a amené Vincent, l'entraîneur du célèbre de Sainte-Foy, comme un de ses assistants. Puis je connais plusieurs personnes, dont le directeur général de l'équipe à Ottawa. Fait que je vais aller voir ça. Ça m'intrigue. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir qu'est-ce que je souhaite J'espère que ça fonctionne. Puis ça serait le fun d'avoir une équipe à Montréal backée par une organisation qui a les reins solides. C'est ça qui est important. Dans une ligue qui va commencer ses matchs, qui va jouer ses matchs, qui va se respecter, qui va payer ses bills. Fait que c'est sûr que je le souhaite vraiment, vraiment. Le pourcentage, c'est 70% de joueurs canadiens. Non, c'est, je suis bien Ben en... Ouais. c'est très important. Puis moi, Ouais. quand j'ai toutes les équipes que j'ai été impliqué, moi, je pense que j'étais à 90% de joueurs québécois, tu sais. Fait que puis le monde dit, t'es fou, ça marchera pas. Puis on était compétitif quand même. On a du talent ici. Des fois, il faut juste donner l'opportunité de continuer à se développer. Fait que. En tout cas, j'ai bien hâte, puis on va en reparler la semaine prochaine. Je vais voir celle qui est en charge en entrevue, je vous le dis tout de suite. Puis je vais peut-être même essayer, je vais aller à la pêche, je vous promets rien, mais d'avoir le commissaire, puisqu'on ça, on est capable de faire des entrevues en anglais. Fait que Absolument. je vais faire la demande pour voir c'est quoi ses plans. Puis même pour Québec, c'est au lac Saint-Jean, donc c'est intéressant pour une rivalité Montréal-Québec dans la NCAA. Merci beaucoup, Pascal. On s'en reparle dans 2 semaines. Fait plaisir. À Salut. bientôt, Danny.